Tra il dirodero, non restiera tirodero, tutto l'ode son parcours, annonçant le gai retour du soleil et ses beaux jours. Tu reviendras avec elle, m'apporter ton cœur fidèle, le printemps de ta jeunesse, le parfum de ta tendresse, viendront me charmer toujours. On reviendra l'hirondelle de l'amour. Écoutez ma prière, c'est en boussole que j'espère. Comprenez ma douleur extrême, ramenez-moi celle que j'aime. Elle est mon seul but sur la terre, j'ai mis en elle mon bonheur. Madone, écoutez ma prière, et venez consoler mon cœur. Thank you.